surtout pas faire mon encroyeuse. Loin de moi la pensée de vouloir me vanter. Mais j'ai le teint rosé, la taille gracieuse, la jambe fine et douce et le téton bombé. Mes mollets sont pâles et ma bouche est enjôleuse. Mes yeux d'or et de jade ont de charmants reflets. Mes cheveux qui cascadent en boucles généreuses nimbent mon cou d'albâtre d'un halo mordoré. Parfois au saut du lit lorsque vient le matin, je me mets toute nue devant mon grand miroir. Je suis loin de penser que j'ai l'air d'un boudin. Quel malheur qu'il n'y ait nul autre pour le voir. D'être une vraie jeune fille, celui dont j'ai rêvé ne viendra-t-il jamais? Avec son blouson noir et sa motocyclette, pas besoin de passer devant monsieur le curé. Depuis bien trop longtemps, je suis casse-roulette. Oh, combien de marins, combien de capitaines ont laissé derrière eux des fiancées en pleurs. Il ne faut pas me prendre pour une bigoudaine. Le premier mec qui passe fera mon bonheur. Alors pourquoi m'en ai jamais aucun garçon? L'as-tu venir cueillir la fleur de ma beauté? Je m'emmerde à mourir seul dans mon donjon. C'est pas vrai, c'est à croire qu'ils sont tous au café.